Chapitre 8e. Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à leur fin. Les aérostats, renfermés l'un dans l'autre, étaient entièrement terminés. Ils avaient subi une forte pression d'air refoulée dans leurs flancs. Cette épreuve donnait bonne opinion de leur solidité et témoignait des soins apportés à leur construction. Joey ne se sentait pas de joie. Il allait incessamment de Greek Street aux ateliers de Monsieur Mitchell, toujours affairé, mais toujours épanoui, donnant volontiers des détails sur l'affaire aux gens qui ne lui en demandaient point, fier entre toutes choses d'accompagner son maître. Je crois même qu'à montrer l'aérostat, à développer les idées et les plans du docteur, à laisser apercevoir celui-ci par une fenêtre entr'ouverte ou à son passage dans les rues, le digne garçon gagna quelques demi-couronnes. Il ne faut pas lui en vouloir. Il avait bien le droit de spéculer un peu sur l'admiration et la curiosité de ses contemporains. Le 16 février, le Resolute vint jeter l'ancre devant Greenwich. C'était un navire à hélice du port de 800 tonneaux, bon marcheur, et qui fut chargé de ravitailler la dernière expédition de Sir James Ross aux régions polaires. Le commandant Penney passait pour un aimable homme. Il s'intéressait particulièrement au voyage du docteur, qu'il appréciait de longue date. Ce Penney faisait plutôt un savant qu'un soldat. Cela n'empêchait pas son bâtiment de porter 4 caronades, qui n'avait jamais fait de mal à personne et servait seulement à produire les bruits les plus pacifiques du monde. La cale du Resolute fut aménagée de manière à loger l'aérostat. Il y fut transporté avec les plus grandes précautions dans la journée du 18 février. On l'emmagasina au fond du navire, de manière à prévenir tout accident. La nacelle et ses accessoires, les ancres, les cordes, les vivres, les caisses à eau que l'on devait remplir à l'arrivée, tout fut arrimé sous les yeux de Ferguson. On embarqua 10 tonneaux d'acide sulfurique et 10 tonneaux de vieille ferraille pour la production du gaz hydrogène. Cette quantité était plus que suffisante, mais il fallait parer aux pertes possibles. L'appareil destiné à développer le gaz et composé d'une trentaine de barils fut mis à fond de cale. Ces divers préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. Deux cabines confortablement disposées attendaient le docteur Ferguson et son ami Kennedy. Ce dernier, tout en jurant qu'il ne partirait pas, se rendit à bord avec un véritable arsenal de chasse, deux excellents fusils à deux coups, se chargeant par la culasse, et une carabine à toute épreuve de la fabrique de Purdy Moore et Dixon d'Édimbourg. Avec une pareille arme, le chasseur n'était pas embarrassé de loger à 2000 pas de distance une balle dans l'œil d'un chamois. Il y joignit deux revolvers Colt à 6 coups pour les besoins imprévus, sa poudrière, son sac à cartouches, son plomb et ses balles, en quantité suffisante, ne dépassaient pas les limites de poids assignées par le docteur. Les trois voyageurs s'installèrent à bord dans la journée du 19 février. Ils furent reçus avec une grande distinction par le capitaine et ses officiers, le docteur toujours assez froid, uniquement préoccupé de son expédition, Dick ému sans trop vouloir le paraître, Joey bondissant, éclatant en propos burlesques. Il devint promptement le loustic du poste des maîtres, où un cadre lui avait été réservé. Le 20, un grand dîner d'adieu fut donné au docteur Ferguson et à Kennedy par la Société royale de géographie. Le commandant Penney et ses officiers assistaient à ce repas, qui fut très animé et très fourni en libations flatteuses. Les santés furent portées en assez grand nombre pour assurer à tous les convives une existence de centenaire. Sir Francis M. présidait avec une émotion contenue mais pleine de dignité. À sa grande confusion, Dick Kennedy eut une large part dans les félicitations bachiques. Après avoir bu à l'intrépide Ferguson, la gloire de l'Angleterre, on dut boire au non moins courageux Kennedy, son audacieux compagnon. Dick rougit beaucoup, ce qui passa pour de la modestie. Les applaudissements redoublèrent, Dick rougit encore davantage. Un message de la reine arriva au dessert. Elle présentait ses compliments aux deux voyageurs et faisait des vœux pour la réussite de l'entreprise. Ce qui nécessita de nouveaux toasts à sa très gracieuse majesté. À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de main, les convives se séparèrent. Les embarcations du Resolute attendaient au pont de Westminster. Le commandant y prit place en compagnie de ses passagers et de ses officiers, et le courant rapide de la Tamise les porta vers Greenwich. À 1 heure, chacun dormait à bord. Le lendemain, 21 février, à 3 heures du matin, les fourneaux ronflaient. À 5 heures, on levait l'ancre, et sous l'impulsion de son hélice, le Resolute fila vers l'embouchure de la Tamise. Nous n'avons pas besoin de dire que les conversations du bord roulèrent uniquement sur l'expédition du docteur Fergusson. À le voir comme à l'entendre, il inspirait une telle confiance que bientôt, sauf l'Écossais, personne ne mit en question le succès de son entreprise. Pendant les longues heures inoccupées du voyage, le docteur faisait un véritable cours de géographie dans le carré des officiers. Ces jeunes gens se passionnaient pour les découvertes faites depuis 40 ans en Afrique. Il leur raconta les explorations de Barthes, de Burton, de Speke, de Grant. Il leur dépeignit cette mystérieuse contrée livrée de toutes parts aux investigations de la science. Dans le nord, le jeune Duverrier explorait le Sahara et ramenait à Paris les chefs Touareg. Sous l'inspiration du gouvernement français, deux expéditions se préparaient qui, descendant du nord et venant à l'ouest, se croiseraient à Tombouctou. Au sud, l'infatigable Livingstone s'avançait toujours vers l'équateur et depuis mars 1862, il remontait en compagnie de Mackenzie la rivière Ropunia. Le 19e siècle ne se passerait certainement pas sans que l'Afrique n'eût révélé les secrets enfouis dans son sein depuis 6 000 ans. L'intérêt des auditeurs de Fergusson fut excité surtout quand il leur fit connaître en détail les préparatifs de son voyage. Ils voulurent vérifier ses calculs, ils discutèrent, et le docteur entra franchement dans la discussion. En général, on s'étonnait de la quantité relativement restreinte de vivres qu'il emportait avec lui. Un jour, l'un des officiers interrogea le docteur à cet égard. « Cela vous surprend, » répondit Fergusson, « sans doute. Mais quelle durée supposez-vous donc qu'aura mon voyage? Des mois entiers? C'est une grande erreur. S'il se prolongeait, nous serions perdus. Nous n'arriverions pas. Sachez donc qu'il n'y a pas plus de 3 500, mettez 4 000 milles de Zanzibar à la côte du Sénégal. Or, à 240 000 par 12 heures, ce qui n'approche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant jour et nuit, il suffirait de 7 jours pour traverser l'Afrique. Mais alors, vous ne pourriez rien voir, ni faire de relèvement géographique, ni reconnaître le pays. Aussi, répondit le docteur, si je suis maître de mon ballon, si je monte ou descends à ma volonté, je m'arrêterai quand bon me semblera, surtout lorsque des courants trop violents menaceront de m'entraîner. Et vous en rencontrerez, dit le commandant Penet. Il y a des ouragans qui font plus de 240 000 à l'heure. Vous le voyez, répliqua le docteur, avec une telle rapidité, on traverserait l'Afrique en 12 heures. On se lèverait à Zanzibar pour aller se coucher à Saint-Louis. « Mais, reprit un officier, est-ce qu'un ballon pourrait être entraîné par une vitesse pareille ?»« Cela s'est vu, » répondit Fergusson. « Et le ballon a résisté ?»« Parfaitement. C'était à l'époque du couronnement de Napoléon en 1804. L'aéronaute Garnerin lança de Paris, à 11 heures du soir, un ballon qui portait l'inscription suivante tracée en lettres d'or. « Paris, 25 frimaires en 13, couronnement de l'empereur Napoléon par sa sainteté Pie VII. » Le lendemain matin, à 5 heures, les habitants de Rome voyaient le même ballon planer au-dessus du Vatican, parcourir la campagne romaine et aller s'abattre dans le lac de Bracciano. Ainsi, messieurs, un ballon peut résister à de pareilles vitesses. Un ballon, oui, mais un homme, se hasarda à dire Kennedy. Mais un homme aussi, car un ballon est toujours immobile par rapport à l'air qui l'environne. Ce n'est pas lui qui marche, c'est la masse de l'air elle-même. Aussi, allumez une bougie dans votre nacelle et la flamme ne vacillera pas. Un aéronaute montant le ballon de Garnerin n'aurait aucunement souffert de cette vitesse. D'ailleurs, je ne tiens pas à expérimenter une semblable rapidité, et si je puis m'accrocher pendant la nuit à quelque arbre ou quelque accident de terrain, je ne m'en ferai pas faute. Nous emportons d'ailleurs pour 2 mois de vivres, et rien n'empêchera notre adroit chasseur de nous fournir du gibier en abondance quand nous prendrons terre. Ah, monsieur Kennedy, vous allez faire là des coups de maître, dit un jeune midshipman en regardant l'Écossais avec des yeux d'envie. « Sans compter, reprit un autre, que votre plaisir sera doublé d'une grande gloire. « Messieurs, répondit le chasseur, je suis fort sensible à vos compliments, mais il ne m'appartient pas de les recevoir. « Hein ? Fit-on de tous côtés. « Vous ne partirez pas ? Je ne partirai pas. « Vous n'accompagnerez pas le docteur Fergusson. « Non seulement je ne l'accompagnerai pas, mais je ne suis ici que pour l'arrêter au dernier moment. » Tous les regards se dirigèrent vers le docteur. « Ne l'écoutez pas, » répondit-il avec son air calme. « C'est une chose qu'il ne faut pas discuter avec lui. Au fond, il sait parfaitement qu'il partira. »« Par Saint-Patrick !» s'écria Kennedy. « J'atteste. »« N'atteste rien, ami Dick. Tu es jaugé, tu es pesé. Toi, ta poudre, tes fusils et tes balles. Ainsi, n'en parlons plus. » Et de fait, depuis ce jour jusqu'à l'arrivée à Zanzibar, Dick n'ouvrit plus la bouche. Il ne parla pas plus de cela que d'autre chose, il se tut.